Gagnante française. Salut Jean-Pierre, comment ça va? Pas terrible, je vais mourir. Trop, tu aurais dû manger de la viande française. Viande française.